Si la mariée n'a pas fini sa toilette, allez faire votre charivari plus loin, comme dit ma tante. Petit Frimousquino. Oh, mon cher Ripardos. Le notaire vient ce soir. Maudit contrat et maudit mariage. Maudit et absurde. Don Guardona est noble et riche, d'accord. Mais si laid, si bête et si vieux. Alors qu'Alvarez, le maître de musique, était jeune, aimable, séduisant. Manuela semblait le voir avec plaisir. Mais patatras, voilà 2 mois environ, Alvarez a disparu. Depuis lors, Manuela a gardé son secret. Et la tante Léona a présenté le vieux Don Guardona, très appuyé par le marquis Don Enrique. Un vrai Don Juan, celui-là. Et dont l'amitié pour le futur me paraît suspecte. Ouvrons l'œil. Dressons l'oreille. Dis-moi, cousin, nous l'aimons bien tous les deux, notre petite cousine. N'est-il pas singulier que nous lui fassions ainsi le sacrifice de nous-mêmes, de nos sentiments, de nos espérances? Mais Dieu sait si je l'aime, tout enfant. Dès le berceau, elle a été l'unique attachement de ma vie. Oh, la comblante gâterie, je la tirerai sur mes genoux. Elle aimait mes biffletteries, plus qu'elle n'aimait ses joujoux. Elle chiffonnait mon panache d'un petit air triomphant. Elle me tirait la moustache, la moustache. Et je riais comme un enfant. Et je riais comme un enfant, comme un plus tard, quand elle fut grandie, plus adorable tous les jours, soudain survint la maladie, terrible hélas et sans recours. Je la voyais tremblant la fièvre, pâle sous le mal étouffant, sur son front je posais ma lèvre. Come on! méchante tante nous fouettait tous les deux. Chers souvenirs, amers et précieux. Je n'endors plus, je n'en bois plus, je cherche. Chers souvenirs, chers souvenirs, hélas. Pourquoi suis-je si jeune? Pourquoi suis-je si vieux? Pourquoi suis-je si vieux? Sa sœur. Laissez-moi donc tranquille. Ah, tu finis? Non, je n'ai pas fini. Et s'il me plaît de dire que j'ai fait ma fortune dans l'épicerie, s'il me plaît d'afficher mon ancienne profession... Pourtant, tu as été reçu avocat. Péronia, marchand de chocolat. Oui, Péronia, marchand de chocolat. Et pourquoi rougirais-je d'avoir fabriqué ce produit alimentaire auquel je dois mes revenus, ma liberté, deux maisons à Madrid et cette délicieuse villa à ses portes ? Oui, je le dis et m'en fait gloire, les biens dont vous grise l'éclat. Comme moi, gardez en mémoire, nous les devons au chocolat. Vous le nieriez enfin, madame, noir encore de ma réclame. Sur tous les murs, dans tous les journaux, il y a le meilleur chocolat est celui de Péron et celui de Péronia. Le meilleur chocolat est celui de Péron et celui de Péronia. J'ai fait du chocolat et même j'en ai fait, je le dis moi, par un ingénieux système, avec succès sans cacao. À mes clients vendant le nôtre, à mes repas buvant d'un autre, sur tous les murs, dans tous les journaux, il y a meilleur chocolat est celui de Péron et celui de Péronia. Le meilleur chocolat est celui de Péron et celui de Péronia. Exigez la signature. C'est bien la peine d'avoir dans les veines du sang des Pintafiores, de la Casa si Marquesito. Assez. Chocolatier, un frère comme lui a une fille comme moi. Une fille comme toi, mais quelle fille es-tu? Espagnole de race. Je suis née en pleine Espagne sous un ciel de feu et c'est le soleil d'Andalousie avec tous ses rayons qui brûlent le sang de mes veines. Ah, tous ces rayons, à ton âge. À mon âge? J'ai 29 ans. Répète un peu. J'ai 29 ans. Eh bien, moi, ton frère, j'en ai 44. Et qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve que j'en ai 5 de plus que toi. Alors, qui de 44 déduit 5 reste 29. Oh, eh bien, tu es d'une jolie force sur l'arithmétique. Mais j'aime mieux ça. Qui, à 29, ajoute 5, je n'ai plus que 34 ans. Du reste, je ne suis pas pour me disputer aujourd'hui. Je marie ma fille. Un mariage de convenance, mais superbe. Mais c'est mon œuvre, mon triomphe et ma vengeance. Comment? Votre triomphe? Comment ta vengeance? Avez-vous oublié la balade de la belle espagnole? Oh, c'est une sombre histoire. La mienne. Écoutez. Il était un joli jeune homme qu'une belle espagnole aimait. Son doux regard l'enivrait comme une xérès enivrant gourmet. De ses feux un digne salaire pour une autre il la négligea. Elle déjà dans sa colère l'eût pincé, bâtonné, échiné, trépané, assassiné, empoisonné. Cette ballade, c'est Alvarez qui te l'aura apprise. Ah, je sais que tu n'as jamais pu le souffrir. Moi, il m'allait. Et s'il n'avait pas disparu subitement, une fugue inconvenante, même de la part d'un musicien. Oh, cette fugue, c'est mon secret. Ah, le petit misérable. Il semblait me faire la cour. Et puis un jour, qu'est-ce que je pense? Mon Alvarez et Manuela qui chantaient des duos d'amour. Ce jour-là, je l'éloignai. Je lui écrivis sous le nom de ma nièce. Et il ne reviendra que ce soir, à minuit et demi, après le mariage consommé. Et ma vengeance satisfaite. D'ailleurs, pas de regret. Manuela paraît enchantée. Le contrat se signe dans 35 minutes. Tout est-il prêt, au moins? Ma fille, d'abord. Manuela! Manuela! Manuela! Manuela! Je chante, comment trouvez-vous votre fille? Elle est charmante. Elle est charmante. Elle est charmante. Mais sois sincère, sois sincère. Mon cher papa, je le promets. N'écoute aucune influence, ma fille, et franchement dis-nous ce que tu penses, ce que tu penses de ton époux. Ce que j'en pense, ce que j'en pense. Je pense et j'en suis mal contente qu'il n'est pas très bon mon futur. Mais un mari m'a dit, ma tante, c'est un fruit qu'il faut cueillir mûr. Or il est mûr, très mûr et même beaucoup trop mûr. Ton Guardona, ah, aimer, il faut aimer ce que l'on a. Quand on n'a pas, quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Je vous présente mon gendre. Oh, monsieur le marquis, quel honneur! Voici Don Fabrice, mon ami. Permettez-moi, mademoiselle, de vous offrir ce bouquet comme l'image de la flore dont je me promets de semer... le mot me viendra. Votre parterre. Comment parterre? Non, non, votre existence. Il est stupide. Idiot. Charmant. Nous attendons le notaire. Monsieur le marquis excusera cet homme de plume. Certes. Ne vous occupez pas de moi. Je vais faire mon compliment à la mariée. Il vous est très attaché, le marquis. Où commentons ? Voulez-vous une preuve ? Il y a un mois à peine, je ne le connaissais pas. Mais aussitôt que fut arrêté mon mariage avec la belle Manuela... Vous ne vous quittez plus. Oh, mesdames et messieurs, les frères Velasquez, parents du grand peintre, peintres eux-mêmes. En bâtiment ? Non, d'enseigne. Velasquez Major, Velasquez Junior, les plus jolis jumeaux sont les jumeaux Velasquez, soit pour un contre un, soit pour un repas. Les frères Velasquez, comme témoin font Flores. On vous le dira, on vous le dira, on vous le dira, on vous le dira, on vous le dira. La charmante femme, le vilain mari, mais en fait c'est égal, nous ignorons tout de même. Elle est toute jeune et l'autre est tout vieux. Croyez-vous qu'un jour pour un acte de baptême, il faudra signer, il faudra signer. On vous le dira, on vous le dira, on vous le dira, on vous le dira, on vous le dira. Monsieur le notaire. Arrivez donc, monsieur le notaire. Pas mal et vous? Je vous remercie, allons, tant mieux. Vous apportez le contrat? Vous apportez le contrat? Oui, je suis venu à pied, c'est si près. Il est un peu dur d'oreille, mais en criant. Nous allons signer dans le jardin. Très bien, je vous suis dans la maison. Tout est rédigé, il ne manque au contrat que les noms des parties, âge et profession. Léona Manuela. Car ma fille porte les noms de ma sœur, qui est sa marraine. Voulez-vous que nous entrions au salon? Puisque vous le voulez, signons dans le jardin. Je vais vous faire donner une écritoire. Avec plaisir. Et un biscuit pour tremper dedans. Asseyons-nous donc, l'air est si doux. Oui, d'ailleurs, nous serons mieux dans l'habitation. Vous ne vous êtes peut-être pas aperçu que j'ai une oreille un peu rétive. Bien un peu. Laissez-moi lui parler. Qu'est-ce que tu dis ? Léona Manoela, patron. Et toi, petite, sans regret ? Sans regret, papa. Et puisse Alvarez en mourir de dépit. Venez, mademoiselle, apposez votre sein sur cet acte. N'oublie pas, Fabrice, à minuit, la bénédiction nuptiale. À minuit et quart, le carrosse attelé devant la chapelle et au triple galop vers ma petite maison. La mariée criera peut-être que le cocher n'écoute rien. Aveugle et sourd, voilà la consigne. Les voilà mariés. Pas encore. Laisse-moi faire. Et maintenant, cher notaire, vous accepterez une petite collation. Oui ! À Saragosse ! Je pars demain pour Saragosse, où j'ai un testament. Je ne reviendrai pas avant 15 jours. Oh, c'est un grand voyage ! Je ne sais pas. Elle est veuve sans enfant. Eh bien, si elle est veuve, on servira dans le jardin. Bien, bien, entrons dans la maison. Cher Guardona. Et quoi, marquis ? Vous nous quittez si vite ? Ah, je gagerais qu'il s'agit encore de moi ou de ma femme. Il pourrait deviner moins juste. Vous n'y êtes pas, Guardona. Il s'agit d'un pari que j'ai fait. Tu ne vas pas lui dire ? Pourquoi pas ? J'ai parié en effet 1000 ducats que j'enlèverais... Une épouse ! Oui, et non. Elle sera mariée, mais imparfaitement. Oh, je comprends. C'est une je cherche le mot. Une primeur qui passera sous le nez du mari. Ah, ça, qui veut-on berner ici? Le pauvre mari. L'imbécile. Oh, oui. Et je le connais. Prends garde. Vous ne le connaissez pas. Mais vous me le ferez connaître. Je vous le promets. C'est bien lui. Adieu, vous m'excuserez. Oui, Don Juan. Un pari, un infâme pari dont l'honneur de Manuela est en jeu. Qu'est-ce qui vous prend, sergent? Et comme vous êtes agité. Il me prend que... non, vous êtes trop bête. Alerte! Au secours! Qu'y a-t-il? Rien, mais dis comme moi. Un malheur, une catastrophe, le chapelain... Eh bien! Il se rendait à la cérémonie et des bandits l'ont enlevé. Il faut trouver un autre chapelain. J'ai une idée. Nous ne sommes pas loin de Madrid. Vous y allez? Non. Pas moi, mais vous. Je vous prête mon cheval. Je ne sais pas monter. On vous met dessus. Vous lâchez la bride et je tombe. Non, le cheval est doux comme un agneau. Vous empoignez la crinière. Il m'emporte. Jusqu'à Madrid. Vous l'arrêtez au couvent des Cordeliers, vous demandez un prêtre, vous le prenez en croupe. Pour relâcher la bride et nous tombons. Mais non, le cheval est doux comme un agneau. Vous rempoignez la crinière. Il nous remporte. Jusqu'ici. Où vous retrouvez votre fiancé et la fête de votre mariage qui se fait à minuit sonnant. Est-ce dit ? Cependant... Au galop ! L'équitation ! Solitaire ! La nuit ! Étoilée ! Madrid ! Proche ! Oh, ma fiancée ! Impatiente ! Le temps au moins de consulter... Personne ! À cheval ! Et au triple galop ! Reviendra-t-il ? S'il revient, je l'étranglerai plutôt que de le laisser marier à Manuela. Personne. Je suis en avance. Elle m'a écrit minuit et demi. Attendre encore. Si elle me savait là, peut-être voudrait-elle bien hâter l'heure du rendez-vous. cette voix ? Alvarez ! Quelle est donc cette joie ? Quels amis généreux ! On me fait, on me choix, on s'arrête trop heureux ! Le voici, quel jour ! Le voici, notre belle amour ! Oui, ma vie, c'est la soirée ! Des parents, des jaloux, des parents, des jaloux ! Amour léger ! Voilà, je n'y comprends rien moi-même. Je m'en fie à Frimouschino. Les cloches, déjà ? Et trop tôt, les cloches ! C'est monsieur le marquis qui a donné l'ordre. Il était pressé de repartir. C'est différent si tout est prêt et si monsieur le marquis a donné l'ordre. Mais j'avais donné celui qu'on illumina. La nuit est noire comme le diable et je ne vois pas mon gendre. Mon gendre, êtes-vous là ? Oui. Oui. Ne perdons pas de temps, donc. Holà, ma fille, ma sœur, les témoins, les gens de la noce. La chapelle est éclairée, au moins. Oui, mon oncle. Deux cierges de suif et j'ai défendu qu'on les mouchât. De l'hymen, l'heure est avancée, en seriez-vous vexé ? Donnez la main à votre fiancé, allons monsieur le fiancé ! Donnez la main à votre fiancé, allons monsieur le fiancé ! Donnez la main à votre fiancé, allons monsieur le fiancé ! Mademoiselle ! Monsieur, chut ! Chut ! Qu'est-ce donc ? Rien, rien, tout va bien ! Tout va bien ! Tout va bien ! Cloche sonne et carillonne, elle sonne, l'entendez-vous? Là, là, arrêtez-la, maudite bête! Ouf, un agneau, ah, oui, un agneau, comment dirais-je, enragé! Aïe, aïe! la bonne préparation à la petite fête qui m'attend. Et si vous croyez que l'animal m'a conduit à Madrid et que je rapporte le curé, vous vous trompez furieusement. Les cloches, déjà? Il serait minuit et les bandits de la Sierra auraient restitué le chapelain. J'arrive en retard! Ah non, voilà encore le marié! Mon cher Guardona, n'entendez-vous pas les cloches? Je suis très bien! Venez donc chercher votre femme! Rien ne presse! Tant que je suis ici, on ne me mariera pas sans moi! Je me repose! T'avances? Non, je suis... Dites-moi le mot! Vous ne l'êtes pas encore! Si! Je suis... éreinté! Déjà? Mais venez donc! Ne faisons pas attendre votre femme! Aïe. Doucement, marquis! Songez donc que je descends de cheval. Ce n'est pas possible, Seigneur Guardona, mais on vous a dit adieu là-bas. Et on vous retrouve ici. Vous avez donc celui d'ubiquité. Je n'ai pas ubiquité d'ici. Comment? C'est-à-dire que j'ai ubiquité pour aller chercher le chapelain. Quel chapelain? À Madrid. Mais cette vilaine bête m'a jeté par terre. Quelle bête? Le chapelain? Non, l'agneau. Sur une mule de foin. Un cheval qu'il disait si doux. Un cheval sur une mule? Une mule de foin? Même que j'ai déchiré mon haut de chausse. Où ça? La bienséance ne me permet pas de le dire. Mais en l'entendant sonner... La bienséance? Non, la cloche. J'ai compris qu'on l'avait retrouvé. Votre autre chose? Non, le chapelain. Et je cherche ma femme. Et pourquoi faire? Mais pour me marier. Mais vous l'êtes mariée. Devant le notaire seulement. Et devant le chapelain. Allons donc, je m'en serais aperçu. C'est leur faute. Ils ont fait des économies de bouts de chandelle. Il faisait si noir dans la chapelle. Mais je n'y suis pas entrée dans la chapelle. Vous n'êtes pas entrée dans la chapelle? Et vous n'êtes pas montée en carrosse? À cheval, oui, mais pas en carrosse. Mais si, en carrosse, avec votre femme. Quelle carrosse? Et celui de monsieur le marquis. Mon carrosse? Avec ma femme? Et avec Ripardos. Et la preuve, c'est que vous voilà qui partez. Heureux gaillard. Mais vous voyez bien que je ne pars pas, puisque je suis ici. Sont-ils bêtes? Attendez-moi. Quelle mouche me pique? Quelle mouche vous pique? Mais au moins, on s'explique. Mais au moins, on s'explique. Mais comment? Mais pourquoi? Mais comment? Mais pourquoi? Vous ne devinez pas. Non. Celui qui s'en va là-bas. Eh bien. Celui qui nous l'enlève, c'est... Mais qui donc? La femme. Achève. C'est Alvarez. Ciel, Alvarez. Il faut courir après. Il faut courir après. Et le chat, il ne doit se passer pas sans les mains. Et la main, sans faire passer les décès de chez moi. Et le chat, il ne doit se passer pas sans les mains. Ma fille avec deux maris, avec deux maris sur les bras. Suivez-moi, qu'on se rassure, ils ne nous échapperont pas. Et le chat, et le gars se passe et dans son état. Et la main, son carrosse, et les blessures, son chemin. Et le chat, et le gars se passe et dans son état. Et la main, son carrosse, et les blessures.